Les écrans s'animaient de la manière suivante. Mademoiselle Conlan ou Mademoiselle Gladstone se tenaient près du tableau à susurrer de leur voix mielleuse. À mesure que mon ennui grandissait, leur image commençait à disparaître à mes yeux et sans que je le veuille, mes yeux se mettaient à traîner dans le vague pour s'accrocher à quelque chose qui me garderait mentalement éveillé. Just like billions of times before. But while we're just lovers and friends, the shit hits the fan once again. And then we do fight just like billions of times before. Play on, stay on, just like billions of times before. Play on, stay on, just like billions of times before. Yeah, Les enfants, les plus grands, étaient assis à l'arrière de la pièce et de mon pupitre à l'extrême gauche en coin, au fond de la classe, j'avais une parfaite trajectoire de visée en diagonale avant qui m'offrait des vues de profil de tous mes camarades de classe. L'image du professeur et son bruissement étaient réduits au minimum, les visages des autres élèves se fondaient et se brouillaient pour en former de nouveaux. Des bribes de conversations murmurées se mêlaient les unes aux autres, jusqu'à ce que tous les nouveaux hybrides garçons-filles proclament leur dévotion à mon égard. Tell me that.

ce soir c'est Noël, les étoiles brillent dans le ciel. Ce soir c'est Noël, c'est Noël. Après de longs moments de frayeur, j'englobais dans ma vision le devant de la classe, focalisé soit sur ce qui s'écrivait au tableau, soit sur le monologue du professeur, et si j'étais sûr de pouvoir me le permettre, j'y allais d'un commentaire à haute voix. Cela me calmait, j'y gagnais en plein les regards des autres enfants, enclenchant ainsi cette zone de mon cerveau qui ne vivait que par la création de caricatures rapides et cruelles. Très vite, Judy Rosen se retrouvait avec les grandes dents de cheval de Claire Curtis. Bobby Greenfield, grand amateur de morve, alimentaient Roberta Roberts en crotte de nez et les faisaient tomber sur le chandail en cachemire qu'elle revêtait chaque jour, indifférente autant qu'il faisait. Je me mettais alors à rire intérieurement, allant parfois jusqu'à éclater à haute voix. Et je ne cessais de m'interroger jusqu'où pourrais-je aller si je ne parvenais à raffiner mon déclencheur cérébral au point même où même le bruit ne pourrait plus me faire souffrir. I can give you less. Pour ce qui est de souffrir, seuls les autres enfants étaient alors capables d'éveiller en moi le sentiment d'être vulnérable et dès l'âge de 8 ou 9 ans, la sensation nauséeuse de me sentir prisonnier de besoins irrationnels était physique, comme une secousse brutale en préscience de la terreur et du désespoir qui sont les conclusions inévitables de toute poursuite sexuelle. Je luttais contre ces besoins en leur refusant le droit d'être, en ne m'occupant pas des autres gamins. Récemment, une demi-douzaine de mes anciens contemporains du voisinage ont donné à la revue People leur opinion sur moi lorsque j'étais enfant. Inquiétant, bizarre et renfermé sont les qualificatifs qui revenaient le plus fréquemment. Kenny Rudd, qui habitait en face de chez moi de l'autre côté de la rue et qui aujourd'hui travaille comme concepteur de jeux de baseball pour ordinateur, s'est approché le plus près de la vérité. Ce qui se disait, c'était « ne déconne pas avec Marty, il est psycho ». Je ne sais pas, mais je pense que peut-être plus que toute autre chose, il avait peur. Un tueur sur la route, James Ellroy. Pourra nous arriver. Charlie Jones, on my friend Bob Shirley Bessie, on my friend the York Chromosomes. On my friend of Stuart Sutcliffe, on my friend of Michael Miles, on my friend of Jim Morrison, on my friend of Nobby Styles. Get in free. I'm a friend of Egon Schiele, I'm a friend of Mr. Spock, I'm a friend of Dr. Kildare, I'm a friend of the Wooden Tops. I'm a friend of a friend of a friend of a friend. I'm a friend of a friend that you got now. Cette scène m'affrianda. Je crus de bonne foi à ce qu'on me présentait. Et lorsque Mademoiselle Delaunay me proposa de voir encore une certaine comtesse, une certaine Madame Dupuis et un certain abbé Le Camus, lesquels devaient faire des sorcelleries et des confidences merveilleuses, je me réjouis infiniment et j'acceptai bien vite. catch you. Your eyes are full of tears. I don't know what to do. Turn up the music one last time. Turn up the music one last time. This is the last pop song. Come on and sing. This is the last pop song. It didn't mean a sit down and you have like scampi and chips, you know, and you have somebody on like, Doris Day or something like that. But we're not Doris Day. This is called Me and My Desire. I don't know how much. Ce fut une grande joie à Sceaux. On se servait de moi comme d'un paravent. Chérie de Monsieur le Duc d'Orléans, je n'étais pas suspecte. Et je pourrais, dans l'occasion, certifier qu'on n'avait rien fait de coupable, puisqu'on m'avait admise, puisqu'on avait insisté pour que je restasse. C'était fort bien imaginé. Et à mon âge, si peu usagé que je fusse, je devais donner dans le panneau. J'y donnais en plein. I'm in the fumble. Go to work or just go to the store. Vous souperez avec Delaunay, alors, madame, ajouta madame Dumaine. C'est elle que traitent ces illustres personnages. Quant à moi, je paraîtrai au dessert, déguisée. S'ils me reconnaissent, je les fais chasser sur le champ. Monsieur le duc Dumaine n'aimerait point ces pratiques. C'est bon pour monsieur le duc d'Orléans, qui croit au diable pour croire à quelque chose. » Dans un supermarché, j'ai la carte. Ouais, Rémi, fais ton choix, Prolo. Je restais la matinée entière à écouter la princesse, fort spirituelle et fort amusante. Elle me parla de son ordre de la mouche et me dit qu'elle était désolée de ne pas avoir maintenant ces belles cérémonies d'autrefois pour me recevoir chevalière. Thank you. you're just me. So I don't ever wanna be that girl, the saddest thing in the whole wide world. I don't ever wanna be that girl, Joss déverrouilla l'urne, grosse caisse en bois construite à Klein de ses propres mains et qu'il avait baptisé le vent de Norroy II en hommage aux chers disparus. Ce n'était sans doute pas très honorifique pour un grand chalutier de pêche hauturière de retrouver sa descendance, réduite à l'état de boîte à lettres dans Paris, mais cette boîte n'était pas n'importe quelle boîte. C'était une boîte de génie conçue sur une idée de génie éclose il y a 7 ans et qui avait permis à Joss de remonter formidablement la pente après 3 ans de travail dans une conserverie, 6 mois dans une usine de bobinage et 2 ans de chômage. L'idée de génie lui était venue une nuit de décembre où, affaissé vers au point dans un café de Montparnasse, empli pour 3/4 de bretons esselés, il entendait le sempiternel ronronnement des échos du pays. Un type parla de Pont-l'Abbé et c'est comme ça que l'arrière-grand-père Le Guerne, né à Locmaria en 1832, sortit de la tête de Joss pour s'accouder au bar et lui dire salut. Thank you. Tu te souviens de moi ? Demanda le vieux. Ouais, marmonna Joss. J'étais pas né quand t'es mort et j'ai pas pleuré. Dis donc, fiston, tu pourrais éviter de déparler pour une fois que je te visite. Ça te fait combien ? 50 ans. Elle t'a pas rangé la vie, tu fais plus. ( Is run by psychopaths. Britain is run by psychopaths. This is about two of them doing cocaine at my grandmother's funeral. Merci beaucoup. Heureusement pour avoir 5 cents à oublier. J'ai pas besoin de tes remarques et je t'ai pas sonné. Toi aussi, t'étais moche. Prends-le sur un autre ton, mon gars. Tu sais ce que c'est quand je m'énerve. Ouais, tout le monde le savait. Ta femme surtout, que t'as battu comme plâtre toute sa vie. Yeah. something about your face. I said something about your ass. Now you think you can swirl me in your little brandy glass. I think that I'm gonna be sick. I'll hold your hands to take your pick. I think you never understood. Isn't that a wonderful world? Isn't that a wonderful world? Isn't that a wonderful world in color? Ouais, tout le monde le savait. Bon, dit le vieux en grimaçant, il faut remettre ça dans le siècle, c'est l'époque qu'il voulait. Époque, mon cul, c'est toi qui le voulais, tu lui as bousillé un œil. Dis donc, on ne va pas encore parler de cet œil pendant deux siècles ? Si, pour l'exemple. 11, 12,